Qui crie à l'aide, Hakai au combat pour la même cause que le dread. L'unité chassera le Satan et si bas people faut pas qu'on cède. S'entraider à part l'union pour notre malaise, y'a pas de remède. Mais dès lors qu'ils tirent, dès maintenant c'est nous qu'ils veulent aider. Qu'ils cessent de prier le Satan pour voir mon corps pendu à la corde raide. Seul tu tentes d'aller de l'avant, comprends qu'il faut qu'on s'entraide. L'époque que nous vivons n'est plus une longue course mais un long raid. Garde les pieds sur terre et les tentations, mieux vaut les esquiver ou tu te noies dans la corruption. Drôle de réaction comme ce qu'on ne peut dire. À la base c'est comme moi personne. Une fois Jésus il devient homme de son uniforme. Et nous des Rakaïsande, rugit comme le Lionel. Oh oh oh, système de Babylone. Que nos générations d'aille, messager dans le Mighty God never die. Rakaïsande, rugit comme le Lionel. Oh oh oh, système de Babylone. Que nos générations d'aille, messager dans le Mighty God never die. Méfiant devient l'encore, viens à lui l'ultime attend. Mais preuve de force, c'est son bord qui elle bosse, elle est la loi de l'âme. Soit de pouvoir et d'argent, même les dames, j'en veux la couronne. J'aime la confusion dans la populace pour ressources coulage. Bang de toute ma race, Rakaïsande rugit comme le lion. J'ai des coups d'âme comme un mec qui traîne son bras dans les poudres d'âme. Ah, merci de Babylone, non merci en cas, j'finère comme le lion. C'est le grand patron dirige, mais pas si je me pète, trop ensemble. Un jugement sévère pour ceux qui jugent les hommes. Cause à notre race, donc on est braille l'ultime atom. Face au complot du démon, intifada, soldat pour qu'il dégage du trône. Fini de faire le mot. Rakaïsande rugit comme le lion. Mighty God never die. Rakaïsande rugit comme le lion. Oh oh oh, système de Babylone. Veux nos générations d'aille, messager dans le Mighty God never die. Alerte à toutes les racailles dans Paris et en HLM. C'est comme du bétail. Elle vit dans la banlieue parisienne. On agite le troupeau et à la révolte on l'engraine. 9-4 son Kai King. Du haut de route voyant en aime en mission pour la face technicale. Et toutes les générations se déchaînent. Mais Dimes Rinel dragon pyromane. Poursuit leur système. Dans un autre assain. Propagande. Mais Dimes Rinel dragon. Lancé national. Massi son Kai. Wicked every time. Rakaï sound. Propagande. Go up the countdown. Si le monde est stone normal. United Royaume calling a dancehall. Rakaï sound. Propagande. Mais Dimes Rinel dragon. Lancé national. Massi son Kai. Wicked every time. Rakaï sound. Propagande. Si le monde est stone normal, United Royaume pour une adensa. Rakaïsande rugit comme le lion. Oh oh oh, système de Babylone. Que nos générations d'aille, messager dans le Mighty God never die. Rakaïsande rugit comme le lion. Oh oh oh, système de Babylone. Que nos générations d'aille, messager dans le Mighty God never die. Rakaïsande rugit comme le lion. Oh oh oh, système de Babylone. Que nos générations d'aille, messager dans le Mighty God never die. Rakaïsande.